Chapitre 4 Le conteur parle. Mes voisins sont devenus pour moi des amis. Je m'habille, je mange comme eux. Quand je ne travaille pas, je partage leur vie d'indolence et de joie traversée de brusques passages de gravité. Le soir, au pied des buissons touffus que dominent la tête échevelée des cocotiers, on se réunit par groupes où se mêlent les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants. Les uns sont de Tahiti, les autres de Tongass, d'autres encore des Marquises. Les tons mats de leur corps font une belle harmonie avec le velours des feuillages, et de leur poitrine cuivrée sortent de vibrantes mélodies, qui s'atténuent en s'y heurtant au tronc rugueux des cocotiers. Ce sont les chants tahitiens, les hyménées. Une femme commence, sa voix s'élève comme un vol d'oiseau, et de la première note atteint aux cimes de la gamme, puis, par de fortes modulations, s'abaisse et remonte et définitivement plane, tandis qu'autour de celle-ci, les voix des autres femmes à leur tour s'envolent, pour ainsi dire, et la suivent et l'accompagnent fidèlement. Enfin, tous les hommes, par un cri guttural et barbare, un seul, terminent en accord dans la tonique. Quelquefois, pour chanter et pour causer, on s'assemble dans une sorte de case commune. On débute alors par une prière. Un vieillard la récite d'abord, consciencieusement, et toute l'assistance la reprend en refrain. Puis on chante, ou bien on conte des histoires pour rire. Le thème de ces récits est très ténu, presque insaisissable. Ce sont les détails brodés sur cette trame, subtile par sa naïveté même, qui amuse. Plus rarement, on disserte sur des questions sérieuses. On fait des propositions sages. Voici celle que j'entendis un soir, et qui ne laissa pas de me surprendre. « Dans notre village, disait un vieillard, on voit par-ci, par-là, des maisons qui tombent en ruine, des murs délabrés, des toits pourris. » Entrouvert, où l'eau pénètre quand, par hasard, il pleut. Pourquoi ? Tout le monde a le droit d'être abrité. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas le feuillage qui manque pour confectionner des toitures. Je propose que nous mettions notre travail en commun pour construire des cases spacieuses et solides, à la place de celles qui sont devenues inhabitables. Nous y donnerons tous successivement la main. Tous les assistants, sans exception, applaudirent. Cela est bien. Et la motion du vieillard fut votée à l'unanimité. Voilà, pensais-je en rentrant ce soir-là chez moi, un peuple prudent et bon. Mais le lendemain, comme j'allais aux informations, m'enquérant d'un commencement d'exécution des travaux décidés la veille, je m'aperçus que personne n'y pensait plus. La vie quotidienne avait repris son cours, et les cases signalées par le sage conseiller restaient en ruine comme devant. À mes questions, on ne répondit que par des sourires évasifs. Pourtant, le froncement des sourcils soulignait de significatives lignes ces vastes fronts rêveurs. Je me retirai, plein de pensées en désordre, mais avec le sentiment que je recevais de mes sauvages une grande leçon. Certes, on avait eu raison d'applaudir à la proposition du vieillard. Peut-être avait-on raison aussi de ne point donner de suite à la résolution prise. Pourquoi travailler ? Les dieux sont là qui prodiguent à leurs fidèles les biens de la nature. Demain ? Peut-être, et quoi qu'il arrive, le soleil se lèvera demain, comme il s'est levé aujourd'hui, bienfaisant et serein. Est-ce là de l'insouciance, de la légèreté, de la versatilité ? Serait-ce, qui sait, de la plus profonde philosophie ? Prends garde au luxe, prends garde d'en contracter le goût et le besoin sous prétexte de prévoyance. La nuit se fait meilleure chaque jour. J'ai fini par comprendre assez bien la langue maori. Je la parlerai bientôt sans difficulté. Au contact perpétuel du caillou, mes pieds se sont durcis, familiarisés au sol. Mon corps, presque constamment nu, ne souffre plus du soleil. La civilisation s'en va de moi, peu à peu. Je commence à penser simplement, à n'avoir que peu de haine pour mon prochain, mieux à l'aimer. J'ai toutes les jouissances de la vie libre, animale et humaine. J'échappe au factice, à la convention, à l'habitude. J'entre dans le vrai, dans la nature. Avec la certitude d'une suite de jours pareils au jour présent, aussi libre, aussi beau, la paix descend en moi, je me développe normalement et je n'ai plus de préoccupations vaines. Un ami m'est venu. Il m'est venu de lui-même, et je puis avoir ici la certitude qu'il n'a obéi en venant à moi à aucun bas mobile d'intérêt. C'est un de mes voisins, un jeune homme très simple et très beau. Mes images coloriées, mes travaux dans le bois l'ont intrigué. Mes réponses à ses questions l'ont instruit. Pas un jour qu'il ne vienne me regarder peindre ou sculpter. Après si longtemps, j'ai plaisir encore au ressouvenir des sentiments vrais et réels que j'éveillais dans cette nature vraie et réelle. Et le soir, quand je me reposais de ma journée, nous causions. Il me faisait des questions de jeune sauvage curieux des choses européennes, surtout des choses de l'amour, et plus d'une fois ces questions m'embarrassèrent. Mais ses réponses étaient bien plus naïves encore que ses questions. Un jour, je lui mis dans les mains mes outils et un morceau de bois. Je voulais qu'il s'essayât à sculpter. Interloqué, il me considéra d'abord en silence, puis il me rendit le bois et les outils, en me disant avec simplicité, avec sincérité, que moi je n'étais pas comme tout le monde, que je pouvais des choses dont les autres hommes étaient incapables, que j'étais utile aux autres. Je crois bien que Geoff Teffa est le premier homme au monde qui m'ait tenu ce langage de sauvage ou d'enfant, car il faut être l'un des deux, n'est-ce pas, pour s'imaginer qu'un artiste soit un homme utile. Il arriva que j'eus besoin pour mes projets de sculpture d'un arbre de bois de rose. Je voulus un fût plein et large. Je consultai Geoff Teffa. « Il faut aller dans la montagne, me dit-il. Je connais à un certain endroit plusieurs beaux arbres. Si tu veux, je te conduirai. Nous abattrons l'arbre qui te plaira et nous l'apporterons à nous deux. » Nous partîmes de bon matin. Les sentiers indiens à Tahiti sont assez difficiles pour un Européen, et aller dans la montagne exige, dans des naturels, un effort auquel il ne se décide pas sans nécessité. Entre deux montagnes qu'on ne pouvait gravir, deux hautes et droites murailles de basalte se creusent une fissure où serpente l'eau parmi des blocs de rochers. Les infiltrations ont détaché du flanc de la montagne ces blocs pour livrer passage à une source. La source, en devenant ruisseau, les a poussés, cahotés, puis entreposés un peu plus loin. Le ruisseau les y reprendra, plus tard, quand il se fera torrent, et les roulera, les charriera jusqu'à la mer. De chaque côté de ce ruisseau, fréquemment accidenté de véritables cascades, un semblant de chemin à travers des arbres pêle-mêle, arbres à pin, arbres de fer, pandanus, bourraos, cocotiers, hibiscus, goyaviers, fougères monstrueuses. Toute une végétation folle, et s'ensauvageant toujours davantage, s'emmêlant, se nouant, en un fouillis toujours plus inextricable, à mesure qu'on remonte vers le centre de l'île. Nous allions tous les deux nus, avec le pareo blanc et bleu à la ceinture, la hache à la main, traversant maintes fois le ruisseau pour profiter d'un bout de sentier que mon guide semblait percevoir par l'odorat plutôt que par la vue. Tant les herbes, les feuilles et les fleurs, en s'emparant de l'espace, jetaient sur le sol de splendides confusions. Le silence était complet. En dépit du bruit plaintif de l'eau dans les rochers, un bruit monotone, une plainte si douce, si faible, accompagnement de silence. Et dans cette forêt, dans cette solitude, dans ce silence, nous étions deux, lui un tout jeune homme, et moi presque un vieillard. L'âme défleurie de tant d'illusions, le corps lassé de tant d'efforts, et cette longue et cette fatale hérédité des vices d'une société moralement et physiquement malade. Il marchait devant moi, dans la souplesse animale de ses forces gracieuses d'androgyne, et je croyais voir en lui s'incarner, palpiter, vivre toute cette splendeur végétale dont nous étions investis. Dès en lui, par lui se dégageait, émanait un puissant parfum de beauté. Était-ce un homme qui marchait là devant moi? Était-ce le naïf ami que m'avait donné l'attraction mutuelle du simple et du composé? N'était-ce pas plutôt la forêt elle-même, la forêt vivante, sans sexe et tentante? Chez ces peuplades nues, comme chez les animaux, la différence entre les sexes est bien moins accentuée que dans nos climats. Grâce à nos artifices de ceinture et de corset, nous avons réussi à faire de la femme un être factice, une anomalie que la nature elle-même, docile aux lois de l'hérédité, nous aide. Sur le tard des races à compliquer, à étioler, et que nous maintenons avec soin dans un état de faiblesse nerveuse et d'infériorité musculaire, en lui épargnant les fatigues, c'est-à-dire les occasions de développement. Ainsi modelé sur un bizarre idéal de gracilité, auquel nous restons, quant à nous, pratiquement étrangers, nos femmes n'ont plus rien de commun avec nous, ce qui ne va peut-être pas sans de grands inconvénients moraux et sociaux. À Tahiti, l'air de la mer et de la forêt fortifie tous les poumons, élargit toutes les épaules, toutes les hanches, et les rayons du soleil et les graviers de la plage n'épargnent pas plus les femmes que les hommes. Ils font ensemble les mêmes travaux, avec la même activité ou la même indolence. Quelque chose de viril est en elles, et en eux, quelque chose de féminin. Cette ressemblance des sexes facilite leurs relations, et la nudité perpétuelle, en écartant des esprits la préoccupation dangereuse du mystère, le prix qu'ils prêtent au hasard heureux, et ces couleurs furtives ou sadiques de l'amour chez les civilisés donnent aux mœurs une innocence naturelle, une parfaite pureté. L'homme et la femme, étant des camarades, des amis autant que des amants, sont presque sans cesse, pour la peine comme pour le plaisir, associés, et la notion même du vice leur est interdite. Pourquoi, et par cette atténuation même des différences sexuelles, dans l'ivresse des lumières et des parfums, s'évoquait-elle tout à coup chez un vieux civilisé, cette notion redoutable, avec le prestige du nouveau, de l'inconnu? La fièvre me battait les tempes, et mes genoux fléchissaient. Mais le sentier était fini. Pour traverser le ruisseau, mon compagnon se détourna, et dans ce mouvement me présenta la poitrine. L'androgyne avait disparu. C'était bien un jeune homme qui marchait devant moi, et ses yeux calmes avaient la limpide clarté des eaux. La paix rentra aussitôt en moi. Nous fîmes halte, un instant, et j'éprouvai une jouissance infinie, une jouissance de l'esprit plutôt que des sens, à me plonger dans l'eau fraîche du ruisseau. « Toé, toé, c'est froid, me dis-je au Stéfa. »« Oh non, répondis-je. » Et cette exclamation, qui dans ma pensée, correspondait pour la conclure à la lutte que je venais de livrer en moi-même contre toute une civilisation pervertie, au sursaut révolté de l'âme qui choisit entre la vérité et le mensonge, éveilla dans la forêt de sonores échos. Et je me dis que la nature m'avait vu lutter, qu'elle m'entendait, qu'elle me comprenait. Maintenant, à mon cri de victoire, elle répondait avec sa grande voix qu'elle voulait bien, après l'épreuve, m'accueillir au rang de ses enfants. Nous reprîmes notre route, et je m'enfonçai vivement dans le fourré, vivement et passionnément, comme si j'eusse espéré ainsi pénétrer au cœur même de cette immense nature maternelle, et me confondre avec ses éléments vivants. Mon compagnon allait toujours son pas égal, les yeux toujours tranquilles. Il n'avait rien soupçonné. Je portais seul le fardeau d'une mauvaise pensée. Nous arrivions au but. Les murs escarpés de la montagne s'étaient peu à peu évasés, et derrière un rideau d'arbres profonds s'étendait une sorte de plateau bien caché. Mais Jotefa connaissait l'endroit, et m'y avait conduit avec une étonnante certitude. Une dizaine d'arbres de bois, de roses, étendaient là leur vaste ramure. Nous attaquâmes à la hache le plus beau de tous, et il fallut le sacrifier tout entier pour lui dérober une branche convenable à mon projet. Je frappai avec joie, je m'ensanglantai les mains avec la rage heureuse, l'intense plaisir d'assouvir en moi je ne sais quelle divine brutalité. Ce n'est pas sur l'arbre que je frappais, ce n'est pas lui que je pensais abattre, et pourtant j'aurais volontiers écouté chanter ma hache sur d'autres troncs encore quand celui-ci fut à terre. Et voici que je croyais entendre ma hache me dire dans la cadence des coups retentissants « Coupe par le pied la forêt tout entière, détruis toute la forêt du mal, dont les sentences furent rejetées en toi par des souffles de mort jadis, détruis en toi l'amour de toi-même, détruis et arrache le mal, comme en automne on coupe avec la main la fleur du lotus, ou bien détruis, bien fini, bien mort, désormais le vieux civilisé. » Je renaissais. Ou plutôt, en moi prenait vie un autre homme, un autre pur et fort. Cet assaut cruel serait le suprême adieu de la civilisation, du mal. Et ce dernier témoignage des instincts dépravés, qui sommeillent au fond de toutes les âmes décadentes, exaltait, par le contraste, jusqu'à la sensation d'une volupté inouïe, la simplicité saine de la vie, dont j'avais fait déjà l'apprentissage. L'épreuve intérieure serait-elle de la maîtrise ? Je respirais avidement la pureté splendide de la lumière. Un autre homme, oui, j'étais dès lors un bon sauvage, un vrai Maori. Et nous nous en retournâmes, Jotefa et moi, à Mataieya, péniblement et paisiblement portant notre lourd poids de rose, noa noa. Le soleil n'était pas encore couché quand nous arrivâmes devant ma case, bien fatigués. Jotefa me dit « Paya ?» Je lui répondis « Oui ». Et dans le fond de mon cœur, je me répétais pour moi-même « Oui ». Je n'ai pas donné un coup de ciseau dans cette branche de bois de rose sans respirer, chaque fois plus fort, le parfum de la victoire et du rajeunissement, noa noa. Par la vallée du Punaru, la grande fissure qui divise Tahiti en deux parts, on parvient au plateau de Tamanu. De là, on peut voir le diadème, l'Orofena, la Rorai, le centre de l'île. On m'en avait parlé bien souvent, comme d'un lieu merveilleux, et je formais le projet d'aller seul y passer quelques jours. Mais la nuit, que feras-tu? Tu seras tourmenté par la Tupapaus. Il n'est pas bon d'aller déranger les esprits de la montagne. Il faut que tu sois fou. Je l'étais probablement, en effet, car cette inquiète solitude de mes amis tahitiens ne faisait que surexciter ma curiosité. Avant l'aube, une nuit, je m'orientais donc vers la Rorai. Près de 2 heures durant, je pus suivre un sentier qui longeait la rivière du Punaru. Mais ensuite, je fus, à plusieurs reprises, obligé de traverser la rivière, De chaque côté, les murailles de la montagne s'élevaient, toutes droites, appuyées jusqu'au milieu de l'eau, comme sur des contreforts sur d'énormes quartiers de rochers. Force me fut en définitive de continuer mon voyage en pleine rivière. J'avais de l'eau tantôt jusqu'aux genoux, tantôt jusqu'aux épaules. Entre les deux murailles, qui d'en bas m'apparaissaient étonnamment hautes et très resserrées à leur sommet, le soleil, en plein jour, pointait à peine. À midi, dans le ciel ardemment bleu, je distinguais le scintillement des étoiles. Vers 5 heures, le jour baissant, je commençai à me préoccuper de l'endroit où je passerais la nuit, quand j'aperçus à droite un hectare de terrain presque plat, où poussaient pêle-mêle les fougères, les bananiers sauvages et les bouraos. J'eus la chance de trouver quelques bananes mûres. À la hâte, je fis un feu de bois pour les cuire, et ce fut mon repas. Puis, tant bien que mal, au pied d'un arbre, sur les basses branches duquel j'avais entrelacé des feuilles de bananier, pour m'abriter en cas de pluie, je me couchai. Il faisait froid, et ma traversée dans l'eau me laissait grelottant. Je dormis mal, mais je savais que l'aube ne tarderait pas, et que je n'avais rien à craindre des hommes ni des animaux. Il n'y a ni carnassiers ni reptiles à Tahiti. Les seuls fauves de l'île sont des porcs qui, lâchés dans la forêt, s'y sont multipliés en pleine sauvagerie. Tout au plus pouvais-je craindre qu'ils vinssent m'écorcher les jambes. Je passai à mon poignet la corde de ma hache. La nuit était profonde, impossible de rien distinguer, sauf tout près de ma tête une sorte de poussière phosphorescente qui m'intriguait singulièrement. Je souris en pensant au conte des Maoris sur les Tupapaos, ces esprits méchants qui s'éveillent avec les ténèbres pour tourmenter les hommes endormis. Leur capitale est au cœur de la montagne, que la forêt environne d'éternelles ombres. Là, ils pullulent, et leurs légions s'accroissent sans cesse des esprits de tous les morts. Malheur aux vivants qui se risquent dans les lieux infestés par les démons. Et j'étais ce téméraire. Aussi mes rêves furent-ils assez agités. J'ai su depuis que cette poussière lumineuse émane de petits champignons d'une espèce particulière. Ils poussent dans les endroits humides, sur les branches mortes, comme celles qui m'avaient servi à faire du feu. Le lendemain, au petit jour, je me remettais en route. La rivière, de plus en plus accidentée, ruisseaux, torrents, cascades, dessinait des sinuosités étrangement capricieuses et semblait parfois revenir sur elle-même. Le sentier me manquait sans cesse, et c'était souvent des mains qu'il fallait m'aider pour avancer, passant de branche en branche à la force des poignets, en touchant à peine et rarement le sol. Du fond de l'eau, des écrevisses d'une taille extraordinaire me regardaient, semblant me dire « Que viens-tu faire ici ?» et des anguilles séculaires fuyèrent mon approche. Tout à coup, à un détour brusque, j'aperçus dressé contre la paroi du rocher qu'elle caressait, plutôt qu'elle ne s'y retenait, des deux mains une jeune fille, nue. Elle buvait à une source qui jaillissait silencieusement de très haut dans les pierres. Quand elle eut fini de boire, lâchant le rocher, elle prit de l'eau dans ses mains, et cela fit couler entre les seins. Puis je n'avais pourtant fait aucun bruit, comme une antilope peureuse qui d'instinct devine et vante l'étranger. Elle pencha la tête, scrutant le fourré où je me tenais immobile. Mon regard ne rencontra pas le sien. À peine m'eut-elle aperçu qu'aussitôt elle plongea en criant ce mot « Taïaé !» féroce. Précipitamment, je regardai dans la rivière. Personne, rien qu'une énorme anguille qui serpentait entre les petits cailloux du fond. Non sans difficulté ni fatigue, je parvins enfin tout près de la Rorai, le sommet de l'île, la montagne formidable et sacrée. C'était le soir. La lune se levait, et, en la regardant, qui enveloppait mollement de ses lueurs légères le front rude du mont, je me rappelais la fameuse légende. « Parahu Inna Tefatu » Inna disait à Tefatu. La légende très ancienne que les jeunes filles récitent volontiers le soir à la veillée, et à laquelle, pour théâtre, elles assignent le lieu même où j'étais. Et je crus voir une tête puissante d'homme divin, la tête du héros à qui la nature a conféré l'orgueil conscient de toutes ses forces, un glorieux visage de géant, brisant les dernières lignes de l'horizon, et comme au seuil du monde, une femme caressante et faible, saisit doucement le dieu aux cheveux et lui parle. Faites revivre l'homme quand il sera mort, et les lèvres courroucées, mais non cruelles, du dieu, vont s'ouvrir pour répondre « L'homme mourra ».